essaye de se voir, de se faire prendre tout l'héritage de son passé. Et car à ceux qui m'interdisent ce qu'à eux ils autorisent, ils n'ont peut-être pas compris que la reprise que sa vie. Réagissons vite, mes amis.